Donc c'est important, on est groupé, on y va fort, on y va dans le calme, et on est parti. Je te trouve, je te rencontre entre mes insomnies. Mais est-ce quand même petit? Ensemble, nous ont l'espoir contre la défaite du monde. En campant des petits grands des sables, si on est pour faire une plage, une plage, une plage. Quand compte le monde des petits étoiles, l'enflamme, les îles, ça nous contre la défaite du monde. Je ne sais pourquoi voler. Je ne sais pourquoi flot les bâtons qui flot le bateau. Je suis petit comme un grain de sable, que mon bruit des avant vertu de la belle de la vie. Je ne sais pourquoi la nuit les jours, je ne sais qu'en vente les mots, qu'en vente les mots. Je suis petit comme un grain de sable, que mon bruit des avant vertu de la belle vie. Je te rencontre entre mes insomnies. Mais c'est qui t'a la recours contre que nous ont bien plus que tout l'espoir contre le défait au monde. Je ne sais pourquoi voler les avions. Pourquoi voler les avions? Je ne sais pourquoi flot les bâtons. Qui flot le bâton? Je suis petit comme un grain de sable, que mon bruit des avions perd tout de l'air de la ville. De la ville. Je ne sais pourquoi la nuit, les jours. C'est qu'un vente le mot, qu'un vente le mot. Je suis petit comme un grain de sable, que mon bruit des avants perdu d'un air de la vie. De la vie. Je ne sais pourquoi voler les avions. Pourquoi voler les avions? Je ne sais pourquoi voler les bâtons. Qui flotte le bâton? Je suis petit comme un grain de sable, que mon bruit des avants perdu d'un air de la vie. De la vie. Je ne sais pourquoi la nuit des jours. Je ne sais qu'en vente le monde. Qu'en vente.